la suite de la tragédie se déroule désormais à Chypre. Alors qu'il vient d'assister à un courtois entretien entre Cassio, le relieutenant, et Desdemona, à leur arrivée à Chypre, Iago, après avoir comploté avec Roderigo pour tuer Cassio, se retrouve seul.